Alexandre Dumas, le capitaine Pamphile, 9e partie, chapitre 16. Pour peu que nos lecteurs n'aient pas perdu, par suite du vif intérêt qu'ils ont dû prendre à la mort de Jacques Ier, la mémoire des événements antérieurs à ceux que nous venons de raconter, ils se rappelleront sans doute qu'en revenant de son 11e voyage dans l'Inde, après avoir fait son chargement de thé, d'épices et d'indigo, aux dépens du capitaine Cao Xiu Quan, et avoir acheté un perroquet aux îles Rodrigues, le respectable marin, dont nous décrivons la véridique histoire, avait successivement relâché dans la baie d'Algoa et à l'embouchure de la rivière d'Orange. Sur chacune de ces deux côtes, il avait, on se le rappelle encore, fait marcher d'abord avec un chef cafre nommé Utavaro, et ensuite avec un chef namaquois nommé Utavari, pour 4000 défenses d'éléphants. Or, c'était, comme nous l'avons dit, pour donner le temps à ces deux estimables commanditaires de se mettre en mesure de faire honneur à leur engagement, que le capitaine avait tenté cette fameuse spéculation de la pêche à la morue pendant laquelle il avait été soumis à de si terribles tribulations, et qui cependant s'était terminée à sa plus grande gloire, grâce à son courage et à sa présence d'esprit, secondé par le dévouement de Double Bouche, qui avait été à cette occasion, comme on se le rappelle, élevé au grade éminent de maître coq du brick de commerce La Roxelane. Aussi le premier soin du capitaine Pamphile, après s'être défait avantageusement de sa morue au Havre et de ses oursons à Paris, avait-il été de recommencer ses apprêts pour un troisième voyage qui lui présentait des chances non moins sûres que les 12 premiers. En conséquence, fidèle à ses antécédents dont il avait pu apprécier les bons résultats, il avait pris la voiture d'Orléans, rue de Grenelle-Saint-Honoré, était descendu à l'hôtel du commerce, et aux questions habituelles de l'aubergiste, il avait répondu qu'il était un membre de l'Institut, section des sciences historiques, et qu'il venait dans le chef-lieu du département du Loiret faire des recherches sur la véritable orthographe du nom de Jeanne d'Arc, que les uns écrivent par un Q et les autres par un K, sans compter ceux qui, comme moi, l'écrivent par un C. Dans un moment où tous les esprits graves sont tournés vers les études historiques, un semblable prétexte devait paraître parfaitement plausible aux habitants d'Orléans. La discussion était assez importante, en effet, pour que l'Académie des inscriptions et belles-lettres s'en occupât sérieusement et envoya un de ses membres les plus distingués pour approfondir cette importante question. En conséquence, le jour même de son arrivée, l'illustre voyageur fut présenté par son hôte à un membre du conseil municipal, qui le présenta le lendemain à l'adjoint, qui le présenta le surlendemain au maire, lequel, avant la fin de la semaine, le présenta à son tour au préfet. Celui-ci, flatté de l'honneur que recevait en sa personne la ville tout entière, invita le capitaine à dîner afin d'arriver plus vite et plus sûrement à la solution de ce grand problème avec le dernier descendant de Bertrand de Pelonge, lequel, comme chacun sait, conduisit Jeanne la Pucelle de Domrémy à Chinon et de Chinon à Orléans, où, ayant pris femme, sa race s'était perpétuée jusqu'à nos jours et brillait de toute sa splendeur en la personne de monsieur Ignace Nicolas Pelonge, liquoriste en gros, place du Martrois, sergent-major de la garde nationale et membre correspondant des académies de Carcassonne et de Quimper-Corentin. Quant à la suppression du 2, qui, comme Cassius et Brutus, brille par son absence, c'était un sacrifice que M. de Pelonge, père, avait fait à la cause du peuple. pendant la fameuse nuit où M. de Montmorency brûla ses lettres de noblesse et où M. de Lafayette renonça à son titre de marquis. Le hasard servait le digne capitaine au-delà de ses souhaits. Ce qu'il estimait, comme on peut bien le penser, dans le citoyen Ignace Nicolas Pelonge, sergent-major de la garde nationale et licoriste en gros, c'était non pas l'illustration qu'il tenait de ses ancêtres, mais celle qu'il s'était acquise par lui-même. Le citoyen Ignace Nicolas Pelonge, étant connu pour faire, non seulement en France, mais encore à l'étranger, des envois considérables de vinaigre et d'eau-de-vie. Or, on sait le besoin qu'éprouvait le capitaine Pamphile d'une partie assez considérable d'alcool, engagé qu'il était avec Outavari et Outavaro, à leur en livrer, à l'un 1500 et à l'autre 2500 bouteilles, en échange d'un nombre égal de défenses d'éléphants. Aussi accepta-t-il avec reconnaissance l'invitation que lui faisait monsieur le préfet. Le dîner fut véritablement académique. Les convives qui savaient à quel homme ils avaient affaire étaient arrivés avec tous les trésors de l'érudition locale, et chacun possédait une telle masse de preuves irrécusables en faveur de son opinion que, lorsqu'arriva le dessert, les uns ayant pris parti pour Guillaume Gruel et les autres pour Pierre de Fénin, on allait se jeter les assiettes du gouvernement à la tête si le capitaine Pamphile n'avait concilié toutes les opinions en invitant leurs représentants à envoyer chacun un mémoire à l'Institut promettant de faire distraire 2000 francs du prix Montyon et une croix d'honneur de la distribution des 27, 28 et 29 juillet pour les accorder à celui dont l'opinion prévaudrait. Cette offre fut accueillie avec enthousiasme. Et le préfet, se levant, proposa un toast en l'honneur du corps respectable qui faisait à la ville d'Orléans cette grâce, de lui envoyer un de ses membres les plus distingués pour puiser aux sources locales un des rayons de cette lumière dont le soleil parisien éclaire le monde. Le capitaine Pamphile se leva, les larmes aux yeux, et d'une voix qui trahissait son émotion, répondit, au nom du corps dont il faisait partie, que si Paris était le soleil de la science, Orléans, grâce aux renseignements qui venaient de lui être donnés et qu'il s'empresserait de transmettre à ses illustres collègues, ne pouvait manquer, avant peu, d'en être déclaré la lune. Les convives jurèrent en chœur que c'était là toute leur ambition, et que le jour où cette ambition serait comblée, le département du Loiret serait le département le plus fier des 86 départements. Sur quoi le préfet mit la main sur sa poitrine, dit à ses convives qu'il les portait tous dans son cœur et les invita à passer au salon pour prendre le café. C'était le moment que chacun attendait pour séduire le capitaine Pamphile. On n'ignorait pas l'influence d'un membre si distingué et qui avait fait preuve pendant le dîner d'une si vaste érudition, devait avoir sur les décisions de ses collègues. D'ailleurs, il avait adroitement insinué qu'il serait probablement nommé rapporteur de la commission. Et, à ce titre, sa voix était d'un grand poids. Aussi son voisin de droite, au lieu de le laisser continuer sa route vers la porte du salon, l'attira-t-il dans le premier angle de la salle à manger. Et là, il lui demanda comment il avait trouvé le raisin sec. Le capitaine, qui n'avait rien contre cet estimable fruit, en fit le plus grand éloge. En raison de quoi, le voisin de droite lui prit la main, la lui serra en signe d'intelligence et lui demanda son adresse. Le digne savant répondit que son domicile scientifique était à l'Institut, mais que sa résidence réelle était au Havre, où il l'avait transporté pour être plus à même de faire des observations sur le départ et le retour des marées, et qu'on pouvait lui faire en ce port tous les envois possibles à l'adresse du capitaine Pamphile, son frère, commandant le brick de commerce La Roxelane. Même chose arriva pour le voisin de gauche, qui guettait le moment où le rapporteur de la commission serait libre. Celui-là était un confiseur tout estimable, lequel s'informa avec le même intérêt qu'avait fait son voisin l'épicier, du goût qu'avait le capitaine Pamphile pour les sucreries et les confitures. Le capitaine répondit qu'il était généralement reconnu que l'Académie était un corps très friand, et qu'en preuve de ce qu'il avançait, il voulait bien lui avouer que cette honorable assemblée, qui se rassemblait tous les jeudis sous le prétexte ostensible de discuter des questions de science ou de littérature, n'avait d'autre but dans ses réunions à huis clos que de s'assurer, en mangeant de la conserve de rose et en buvant du sirop de groseille, des progrès que faisait l'art des mille lots et des tanrades, que, depuis quelque temps au reste, elle s'était aperçue de l'abus de la centralisation sous le rapport de la confiserie, et que les pâtes d'Auvergne et le nougat de Marseille avaient été reconnus dignes des encouragements académiques. Quant à lui, il était heureux d'avoir appris par expérience que les confitures d'Orléans, dont il n'avait jamais entendu parler jusqu'à ce jour, ne le cédaient en rien à celles de Bar et de Chalon. C'était une découverte dont il ne manquerait pas de faire part à l'Académie dans une de ses plus prochaines séances. Le voisin de gauche serra la main du capitaine Pamphile et lui demanda son adresse, et le capitaine Pamphile, lui ayant fait la même réponse qu'au voisin de droite, se trouva libre enfin d'entrer dans le salon, où le préfet l'attendait pour prendre le café. Quoique le capitaine fût un digne appréciateur de la fève d'Arabie, et que celle dont il savourait la flamme liquide lui parut venir directement de Mocha, il réserva tous ses éloges pour le petit verre d'eau-de-vie qui l'accompagnait et qu'il compara au meilleur cognac qu'il eût jamais dégusté. À cet éloge, le descendant de Bertrand de Pelonge s'inclina. C'était le fournisseur ordinaire de la préfecture, et la flèche de la flatterie, décochée par le capitaine Pamphile, était allé frapper en plein but. Il s'ensuivit une longue conférence entre le citoyen Ignace Nicolas Pelonge et le capitaine amable Désiré Pamphile, dans laquelle le liquoriste montra une grande aptitude pratique et l'académicien une profonde connaissance de théorie. Le résultat de cette conversation, dans laquelle la question des liquides avait été profondément débattue, fut que le capitaine Pamphile apprit ce qu'il voulait savoir, c'est-à-dire que le citoyen Ignace Nicolas Pelonge était sur le point d'envoyer 50 pipes de cette même eau-de-vie, contenant 500 bouteilles, à la maison Jackson et Williams de New York, avec laquelle il était en relation d'affaires, et que cet envoi, actuellement en charge sur le quai de l'horloge, devait descendre la Loire jusqu'à Nantes, où il serait placé à bord du trois-mâts le Zéphyr, capitaine Malvilain, en partance pour l'Amérique du Nord, le tout dans le délai de 15 à 20 jours. Il n'y avait pas une minute à perdre, si le capitaine Pamphile voulait arriver en temps opportun. Ainsi prit-il le même soir congé des hôtels d'Orléans, sous le prétexte que la lucidité des éclaircissements qu'il avait acquis rendait inutile un plus long séjour dans la capitale du département du Loiret. Il serra donc encore une fois la main à l'épicier et au confiseur, embrassa le liquoriste, et quitta la même nuit Orléans, laissant les esprits les plus prévenus contre l'Académie entièrement revenus sur le compte de cet estimable corps. Le lendemain de son arrivée au Havre, le capitaine Pamphile reçut un demi-quintal de raisins secs et 6 douzaines de pots de confiture, qu'il ordonna à Double Bouche de faire amarrer dans son office particulier. Puis il s'occupa des préparatifs d'appareillage, qui ne furent pas longs, attendu que le digne marin naviguait presque toujours sur son lest, et, comme on l'a déjà vu, ne faisait ordinairement ses chargements qu'en pleine mer, si bien qu'au bout de 8 jours il doublait la pointe de Cherbourg, et qu'au bout de 15 il croisait entre le 47e et le 48e degré de latitude, juste en travers de la route que devait suivre le trois-mâts le Zéphyr pour se rendre de Nantes à New York. Il résulta de cette savante manœuvre qu'un beau matin que le capitaine Pamphile, moitié assoupi, moitié éveillé, rêvait paresseusement dans son hamac, il fut tiré tout à coup de ce demi-sommeil par le cri du matelot en vigie qui signalait une voile. Le capitaine Pamphile descendit de son hamac, sauta sur une longue vue, et, sans prendre le temps de passer sa culotte, monta sur le pont de son bâtiment. Cette apparition, tant soit peu mythologique, aurait pu paraître inconvenante, peut-être, à bord d'un navire plus régulier que ne l'était la Roxelane. Mais il faut l'avouer, à la honte de l'équipage, que pas un de ses membres ne fit la moindre attention à cette notable infraction aux règles de la pudeur, tant ils étaient habitués aux bizarreries du capitaine. Quant à celui-ci, il traversa tranquillement le pont, grimpa sur le bastingage, enjamba quelques enfléchures des haubans, et, avec le même flegme que s'il eût été couvert d'un vêtement plus régulier, il se mit à examiner le navire en vue. Au bout d'un instant, il n'avait plus de doute. C'était bien celui qui l'attendait. Aussi les ordres furent-ils immédiatement donnés pour placer les caronades sur leur pivot et la pièce de 8 sur son affût. Puis, voyant que ses recommandations allaient être exécutées avec la promptitude ordinaire, le capitaine Pamphile ordonna au timonier de tenir toujours la même route et descendit dans sa cabine, afin de se présenter devant son confrère le capitaine Malvilain d'une manière plus décente. Lorsque le capitaine remonta sur le pont, les deux bâtiments étaient à peu près à une lieue l'un de l'autre, et l'on pouvait reconnaître dans le nouvel arrivant l'honnête et grave démarche d'un navire marchand qui, chargé de toutes ses voiles et par une bonne brise, file décemment ses 5 ou 6 nœuds à l'heure. Il en résultait que, même, eût-il tenté de prendre chasse, le Zéphyr eût été rejoint au bout de 2 heures par la vive et coquette Roxelane. Mais il ne l'essaya même pas, confiant qu'il était dans la paix jurée par la Sainte Alliance et dans l'extinction de la piraterie, dont il avait lu, 8 jours encore avant son départ, la nécrologie dans le Constitutionnel. Il continua donc de s'avancer sur la foi des traités, et il n'était plus qu'à une demi-portée de canon du capitaine Pamphile, lorsque ces mots retentirent à bord de la Roxelane, et portés par le vent, allèrent frapper les oreilles étonnées du capitaine du Zéphyr. « Ohé, du trois-mâts ! Mettez une embarcation à la mer et envoyez-nous le capitaine !» Il y eut une pause d'un instant, puis ces mots, partis du bord du trois-mâts, parvinrent à leur tour jusqu'à la Roxelane. « Nous sommes le bâtiment de commerce Le Zéphyr, capitaine Malvilain, chargé d'eau-de-vie et faisant route de Nantes à New York. »« Feu !» dit le capitaine Pamphile. Un sillon de lumière, accompagné d'un tourbillon de fumée et suivi d'une détonation violente, partit aussitôt de l'avant de la Roxelane, et en même temps on aperçut l'azur du ciel par un trou de la voile de misaine de l'innocent et inoffensif trois-mâts, qui, croyant que le bâtiment qui tirait sur lui avait mal entendu ou mal compris, répéta de nouveau et plus distinctement encore que la première fois. « Nous sommes le bâtiment de commerce, le Zéphyr, capitaine Malvilain, chargé d'eau-de-vie et faisant route de Nantes à New York. »« Ohé, du trois-mâts, répondit la Roxelane, mettez une embarcation à la mer et envoyez-nous le capitaine. » Puis voyant que le trois-mâts hésitait encore à obéir et que la pièce de 8 était rechargée, « Feu !» dit une seconde fois le capitaine. Et l'on vit le boulet égratigner le sommet des vagues et aller se loger en plein bois à 18 pouces au-dessus de l'eau. « Au nom du ciel, qui êtes-vous et que demandez-vous donc ?» cria une voix rendue encore plus lamentable par l'effet du porte-voix. « Ohé, du trois-mâts !» répondit l'impassible Roxelane. « Mettez une embarcation à la mer et envoyez-nous le capitaine !» Cette fois, que le brick eût bien ou mal compris, qu'il fût réellement sourd ou qu'il fît semblant de l'être, il n'y avait pas moyen de ne pas obéir. Un troisième boulet au-dessous de la flottaison, et le Zéphyr était coulé. Aussi le malheureux capitaine ne se donna-t-il point le temps de répondre, mais il fut visible à tout œil, un peu exercé, que son équipage se mettait en devoir de descendre la chaloupe à la mer. Au bout d'un instant, 6 matelots se laissèrent glisser les uns après les autres par un cordage. Le capitaine les suivit, s'assit sur l'arrière, et la chaloupe se détachant des flancs du trois-mâts, comme un enfant qui quitte sa mère, fit force de rame pour franchir la distance qui séparait le Zéphyr de la Roxelane, et s'avança vers tribord. Mais un matelot monté sur la muraille fit signe aux rameurs de passer à bâbord, c'est-à-dire du côté d'honneur. Le capitaine Malvilain n'avait rien à dire, il était reçu avec les égards dus à son rang. Au haut de l'échelle, le capitaine Pamphile attendait son confrère. Or, comme notre digne marin était un homme qui savait vivre, il commença par s'excuser auprès du capitaine Malvilain sur la manière dont il l'avait prié de lui rendre visite. Puis il lui demanda des nouvelles de sa femme et de ses enfants, et une fois rassuré sur leur santé, il invita le commandant du Zéphyr à entrer dans sa cabine où il avait, disait-il, à traiter avec lui d'une affaire importante. Les invitations du capitaine Pamphile étaient toujours faites d'une manière si irrésistible qu'il n'y avait pas moyen de les refuser. Le capitaine Malvilain se rendit donc de bonne grâce au désir de son confrère, qui, après l'avoir fait passer le premier, malgré les difficultés de politesse qu'il opposa à cet honneur, referma la porte derrière lui en ordonnant à double bouche de se distinguer, afin que le capitaine Malvilain emportât une idée honnête de la chair que l'on faisait à bord de la Roxelane. Au bout d'une demi-heure, le capitaine Pamphile entr'ouvrit la porte et remit à Georges, qui était de planton dans la salle à manger, une lettre adressée par le capitaine Malvilain à son lieutenant. Cette lettre contenait l'ordre de faire passer à bord de la Roxelane 12 des 50 pipes d'eau-de-vie enregistrées à bord du Zéphyr, sous la raison Ignace Nicolas Pelonge et compagnie. C'était juste 2000 bouteilles de plus que le capitaine Pamphile n'en avait strictement besoin, mais en homme de précaution, le digne marin avait pensé aux déchets qu'une navigation de 2 mois pouvait apporter à sa cargaison. D'ailleurs, il pouvait tout prendre, et en songeant à part lui cette omnipotence dont son hôte usait si sobrement, le capitaine Malvilain rendit grâce à Notre-Dame de Guérande de ce qu'il en était quitte à si bon marché. Au bout de 2 heures, le transport était achevé, et le capitaine Pamphile, fidèle à son système de civilisé, avait eu la politesse de faire exécuter son emménagement pendant le dîner, de manière à ce que son collègue ne vit rien de ce qui se passait. On en était aux confitures et aux raisins secs, lorsque Double Bouche, qui s'était surpassé dans l'exécution du repas, vint dire un mot à l'oreille du capitaine. Celui-ci fit de la tête un signe de satisfaction et demanda le café. On le lui apporta aussitôt, accompagné de 2 bouteilles d'eau-de-vie, que le capitaine reconnut au premier petit verre, pour être la même qu'il avait dégustée chez le préfet d'Orléans. Cela lui donna une haute idée de la probité du citoyen Ignace Nicolas Pelonge, qui faisait ses angoisses si fidèles aux échantillons. Le café pris et les 12 pipes d'eau-de-vie arrimées, le capitaine Pamphile, n'ayant plus aucun motif de retenir son collègue à bord de la Roxelane, le reconduisit avec la même politesse qu'il avait reçue jusqu'à l'escalier de bâbord, où l'attendait sa chaloupe, et où il prit congé de lui, mais non sans le suivre des yeux jusqu'au Zéphyr, avec tout l'intérêt d'une amitié naissante. Puis, lorsqu'il le vit remonter sur son pont et qu'à la manœuvre il reconnut qu'il allait se remettre en route, il emboucha de nouveau son porte-voix, mais cette fois pour lui souhaiter bon voyage. Le Zéphyr, comme s'il n'eût attendu que cette permission, étendit alors toutes ses voiles, et le navire, cédant à l'action du vent, s'éloigna aussitôt dans la direction de l'ouest, tandis que la Roxelane mettait le cap vers le midi. Le capitaine Pamphile n'en continua pas moins de faire des signaux d'amitié, auxquels répondit le commandant Malvilain, et il n'y eut que la nuit qui, en succédant au jour, interrompit cet échange de bonnes relations. Le lendemain, au lever du soleil, les 2 navires étaient hors de la vue l'un de l'autre. 2 mois après l'événement que nous venons de raconter, le capitaine Pamphile mouillait à l'embouchure de la rivière d'Orange et remontait le fleuve, accompagné de 20 matelots bien armés pour faire sa visite à Outavari. Le capitaine Pamphile, qui était observateur, remarqua avec étonnement le changement qui s'était opéré dans le pays depuis qu'il avait quitté. Au lieu de ces belles plaines de riz et de maïs qui trempaient leurs racines jusque dans la rivière, au lieu des troupeaux nombreux qui venaient en bêlant et en mugissant se désaltérer sur ses bords, il n'y avait plus que des terres en friche et une solitude profonde. Il crut un instant s'être trompé et avoir pris la rivière des poissons pour la rivière d'Orange. Mais ayant pris hauteur, il vit que son estime était juste. En effet, au bout de 20 heures de navigation, il arriva en vue de la capitale des petits Namaquois. La capitale des petits Namaquois n'était peut-être que de femmes, d'enfants et de vieillards, lesquels étaient dans la plus profonde désolation, car voici ce qui était arrivé. Aussitôt après le départ du capitaine Pamphile, Outavaro et Outavari, alléchés, l'un par les 2 500 et l'autre par les 1 500 bouteilles d'eau de vie qu'ils devaient toucher en échange de leur fourniture d'ivoire, s'étaient mis chacun de son côté en chasse. Malheureusement, les éléphants se tenaient dans une grande forêt qui séparait les états des petits Namaquois de ceux des Cafres, espèce de terrain neutre qui n'appartenait ni aux uns ni aux autres, et sur lequel les deux chefs ne se furent pas plus tôt rencontrés que, voyant qu'ils venaient pour la même cause et que la spéculation de l'un nuirait nécessairement à celle de l'autre, les levains de vieille haine qui ne s'étaient jamais bien éteints entre le fils de l'Orient et le fils de l'Occident se rallumèrent. Chacun était parti pour une chasse, tous, par conséquent, se trouvaient armés pour un combat, de sorte qu'au lieu de travailler de concert à réunir les 4 000 défenses et de partager à l'amiable leur prix, ainsi que quelques vieillards à tête blanche le proposaient, ils en vinrent aux mains, et dès le premier jour, 15 Cafres et 17 petits Namaquois restèrent sur le champ de bataille. Dès lors, il y eut, entre les hordes, guerre acharnée et inextinguible, dans laquelle Outavaro avait été tué et Outavari blessé. Mais les Cafres avaient nommé un nouveau chef, et Outavari s'était refait. De sorte que, se trouvant sur le même pied qu'auparavant, la lutte avait recommencé de plus belle, chaque pays s'épuisant de guerriers pour renforcer son parti. Enfin, un dernier effort avait été tenté par les deux peuples pour soutenir chacun son chef. Tous les jeunes gens au-dessus de 12 ans et tous les hommes au-dessous de 60 avaient rejoint leur armée respective, et les deux forces réunies des deux nations devant sous peu de jours se trouver en face, une bataille générale allait décider du sort de la guerre. Voilà pourquoi il n'y avait plus que des femmes, des enfants et des vieillards dans la capitale des petits Namaquois. Encore était-il, comme nous l'avons dit, dans la désolation la plus profonde. Quant aux éléphants, ils se battaient joyeusement les flancs avec leurs trompes et profitaient de ce que personne ne s'occupait d'eux pour venir jusqu'aux portes des villages manger le riz et le maïs. Le capitaine Pamphile vit à l'instant même le parti qu'il pouvait tirer de sa position. Il avait traité avec Outavaro et non avec son successeur. Il était donc délié avec celui-ci de tout engagement, et son allié naturel était Outavari. Il recommanda à sa troupe de faire une visite sévère des fusils et des pistolets, afin de s'assurer que le tout était en bon état. Puis, ayant ordonné à chaque homme de se munir de 4 douzaines de cartouches, il demanda un jeune Namaquois assez intelligent pour lui servir de guide et mesurer la marche de manière à ce qu'il arrivât au camp en pleine nuit. Tout cela fut exécuté avec la plus grande intelligence, et le surlendemain, sur les 11 heures du soir, le capitaine Pamphile était introduit sous la tente d'Outavari, au moment où, ayant décidé de livrer le combat le lendemain, celui-ci tenait conseil avec les premiers et les plus sages de la nation. Outavari reconnut le capitaine Pamphile avec cette certitude et cette rapidité de souvenir qui distingue les nations sauvages. Aussi à peine l'eut-il aperçu qu'il se leva, vint au-devant de lui en mettant une main sur son cœur et l'autre sur sa bouche, pour lui exprimer que sa pensée et sa parole étaient d'accord dans ce qu'il allait dire. Or, ce qu'il allait dire, et ce qu'il lui dit en mauvais hollandais, était qu'ayant manqué à l'engagement pris avec le capitaine Pamphile, puisqu'il ne pouvait tenir le marché convenu, sa langue qui avait menti et son cœur qui avait trompé étaient à sa disposition, et qu'il n'avait qu'à couper l'une et arracher l'autre pour les donner à manger à ses chiens, comme on doit faire de la langue et du cœur d'un homme qui ne tient pas sa parole. Le capitaine, qui parlait le hollandais comme Guillaume d'Orange, répondit qu'il n'avait que faire du cœur et de la langue d'Outavari, que ses chiens étaient rassasiés, ayant trouvé la route semée des cadavres de Cafres, et qu'il venait offrir un marché bien autrement avantageux à l'un et à l'autre que celui que lui proposait avec tant de loyauté et de désintéressement son fidèle ami et allié Outavari. C'était de le seconder dans sa guerre contre les Cafres, à la condition que tous les prisonniers faits après la bataille lui appartiendraient en toute propriété, pour, par lui ou ses ayants cause, en faire ce que bon leur semblerait. Le capitaine Pamphile, comme on le voit à son style, avait été clair d'avouer avant que d'être corsaire. La proposition était trop belle pour être refusée. Aussi fut-elle reçue avec acclamation, non seulement par Outavari, mais encore par le conseil tout entier. Le plus vieux et le plus sage des vieillards tira même sa chique de sa bouche et sa coupe de ses lèvres, pour offrir l'une et l'autre au chef blanc. Mais le chef blanc dit majestueusement que c'était à lui de régaler le conseil, et il ordonna à Georges d'aller chercher dans ses bagages deux aunes de carottes de Virginie et quatre bouteilles d'eau-de-vie d'Orléans, qui furent reçues et dégustées avec une profonde reconnaissance. Cette collation achevée, et comme il était 1 heure du matin, Outavari envoya chacun se coucher à son poste, et resta seul avec le capitaine Pamphile, afin d'arrêter avec lui le plan de la bataille du lendemain. Le capitaine Pamphile, convaincu que le premier devoir d'un général est de prendre une parfaite connaissance des localités sur lesquelles il doit opérer, et n'ayant aucun espoir de se procurer une carte du pays, invita Outavari à le conduire sur le point le plus élevé des environs. La lune jetant une lumière assez vive pour que l'on pût distinguer les objets avec autant de lucidité que par un crépuscule d'occident. Justement, une petite colline s'élevait sur la lisière de la forêt, à laquelle était appuyée l'aile droite des petits Namaquois. Outavari fit signe au capitaine Pamphile de le suivre en silence, et marchant le premier, il le conduisit par des chemins où tantôt il était obligé de bondir comme des tigres, tantôt forcé de ramper comme des serpents. Heureusement que le capitaine Pamphile avait passé, dans le courant de sa vie, par bien d'autres difficultés, tant dans les marais que dans les forêts vierges de l'Amérique. De sorte qu'il bondit, et rampa si bien qu'au bout d'une demi-heure de marche, il était arrivé avec son guide au sommet de la colline. Là, si habitué que fut le capitaine Pamphile au grand spectacle de la nature, il ne put s'empêcher de s'arrêter un instant et de contempler avec admiration celui qui se déroulait sous ses yeux. La forêt formait un immense demi-cercle dans lequel était enfermé le reste des deux peuples. C'était une masse noire qui projetait son ombre sur les deux camps, et dans laquelle l'œil eût cherché en vain à pénétrer, tandis qu'au-delà de cette ombre, réunissant un bout de demi-cercle à l'autre et formant la corde de l'arc, la rivière d'Orange brillait comme un ruisseau d'argent liquide. En même temps qu'au fond le paysage se perdait dans cet horizon sans bornes visibles, et au-delà duquel s'étend le pays des grands Namaquois. Toute cette immense étendue, qui conservait, même pendant la nuit, ses teintes chaudes et tranchées, était éclairée par cette lune brillante des tropiques, qui seule sait ce qui se passe au milieu des grandes solitudes du continent africain. De temps en temps, le silence était troublé par les rugissements des hyènes et des chacals qui suivaient les deux armées, et au-dessus desquelles s'élevait comme le roulement du tonnerre, le roquement lointain de quelques lions. Alors tout se taisait, comme si l'univers eût reconnu la voix du maître, depuis le chant du Bengali, qui racontait ses amours, balancé dans le calice d'une fleur, jusqu'au sifflement du serpent qui, dressé sur sa queue, appelait sa femelle en élevant sa tête bleuâtre au-dessus de la bruyère. Puis le lion se taisait à son tour, et tous les bruits divers qui lui avaient cédé l'espace s'emparaient de nouveau de la solitude et de la nuit. Le capitaine Pamphile resta un instant, comme nous l'avons dit, sous le poids de l'impression que devait produire un pareil spectacle, mais comme on le sait, le digne marin n'était pas homme à se laisser longtemps détourner par des influences bucoliques d'une affaire aussi sérieuse que celle qui l'avait amené là. Sa seconde pensée le reporta donc de plein saut au milieu de ses intérêts matériels. Alors il vit de l'autre côté d'un petit ruisseau qui s'échappait de la forêt et allait se jeter dans l'Orange, toute l'armée des Cafres, campée et endormie, sous la garde de quelques hommes qu'à leur immobilité on eût pris pour des statues. Comme les petits Namaquois, ils paraissaient être décidés à livrer la bataille le lendemain et attendaient de pied ferme leur ennemi. D'un coup d'œil, le capitaine Pamphile eut mesuré leur position et calculé les chances d'une surprise. Et comme son plan était suffisamment arrêté, il fit signe à son compagnon qu'il était temps de regagner le camp, ce qu'ils firent avec les mêmes précautions qu'ils l'avaient quitté. À peine de retour, le capitaine réveilla ses hommes, en prit 12 avec lui, en laissa 8 à Outavari. Et accompagné d'une centaine de petits Namaquois auxquels leur chef ordonna de suivre le capitaine Blanc, il s'enfonça dans la forêt, fit un grand détour circulaire et vint s'embusquer avec sa troupe, sur la lisière de la forêt qui longeait le camp des Cafres. Arrivé là, il plaça quelques-uns de ses matelots, de distance en distance, de manière à ce qu'entre deux marins il y eût 10 ou 12 Namaquois. Puis il fit coucher tout le monde et attendit l'événement. L'événement ne se fit pas attendre. Au point du jour, de grands cris annoncèrent au capitaine Pamphile et à sa troupe que les deux armées en venaient aux mains. Bientôt, une fusillade activement nourrie se mêla à ces clameurs. Au même instant, toute l'armée ennemie fit volte-face dans le plus grand désordre et essaya de regagner la forêt. C'était ce qu'attendait le capitaine Pamphile, qui n'eut qu'à se montrer, lui et ses hommes, pour compléter la défaite. Les malheureux Cafres, cernés en tête et en queue, enfermés d'un côté par la rivière et de l'autre par la forêt, n'essayèrent même plus de fuir. Ils tombèrent à genoux, croyant que leur dernière heure était arrivée. Et en effet, pas un seul n'en eût probablement réchappé à la manière dont y allaient les petits Namaquois si le capitaine Pamphile n'avait rappelé à Outavari que ce n'était point là leur convention. Le chef interposa son autorité, et au lieu de frapper de la massue et du couteau, les vainqueurs se contentèrent de lier les mains et les pieds aux vaincus. Puis, cette opération terminée, on ramassa non pas les morts, mais les vivants. On donna du jeu à la corde qui leur entravait les jambes, et on les fit de gré ou de force marcher vers la capitale des petits Namaquois. Quant à ceux qui s'étaient échappés, on ne s'en inquiéta pas davantage, leur nombre étant trop faible pour causer désormais la moindre inquiétude. Comme cette grande et dernière victoire était due à l'intervention du capitaine Pamphile, il eut tous les honneurs du triomphe. Les femmes vinrent au-devant de lui avec des guirlandes. Les jeunes filles effeuillèrent des roses sous ses pas. Les vieillards lui décernèrent le titre de lion blanc, et tous ensemble lui donnèrent un grand repas. Puis, ses réjouissances terminées, le capitaine, après avoir remercié les petits Namaquois de leur hospitalité, déclara que le temps qu'il pouvait accorder au plaisir était écoulé et qu'il fallait maintenant revenir aux affaires. En conséquence, il pria Outavari de lui faire délivrer ses prisonniers. Celui-ci reconnut la justesse de cette prétention et le conduisit dans un grand hangar où on les avait entassés, le jour même de leur arrivée, et où on les avait oubliés depuis ce moment. Or, 3 jours s'étaient écoulés, les uns étaient morts de leurs blessures, les autres de faim, quelques-uns de chaud, si bien qu'il était temps, comme on le voit, que le capitaine Pamphile pensât à sa marchandise, car elle commençait à s'avarier. Le capitaine Pamphile parcourut les rangs des prisonniers, accompagné du docteur, touchant lui-même les malades, examinant les blessures et assistant aux pansements, séparant les mauvais des bons, comme fera l'ange au jour du jugement dernier. Puis, cette visite faite, il passa au recensement. Il restait 230 nègres en excellent état. Et cela, on pouvait le dire, c'était des hommes éprouvés. Ils avaient résisté au combat, à la marche et à la faim. On pouvait les vendre et les acheter de confiance. Il n'y avait plus de déchets à craindre. Aussi le capitaine fut si content de son marché qu'il fit cadeau à Outavari d'une pipe d'eau-de-vie et de 12 aunes de tabac en carotte. En échange de cette civilité, le chef des petits Namaquois lui prêta 8 grandes barques pour conduire tous ses prisonniers, et monta lui-même avec sa famille et les plus grands de son royaume dans la chaloupe du capitaine. Il voulut l'accompagner jusqu'à son bâtiment. Le capitaine fut reçu par les matelots restés à bord avec une joie qui donna au chef des petits Namaquois une haute idée de l'amour qu'inspirait le digne marin à ses subordonnés. Puis comme le capitaine était avant tout un homme d'ordre, qu'aucune émotion ne pouvait distraire de ses devoirs, il laissa le docteur et Double Bouche faire les honneurs de la Roxelane à ses hôtes, et descendit avec les charpentiers dans la cale. C'est que là se présentait une grave difficulté, qui ne demandait rien de moins que l'intelligence du capitaine Pamphile pour être résolue. Et en partant du Havre, le capitaine avait compté sur un échange. Or, les objets échangés prenaient tout naturellement la place les uns des autres. Mais voilà que par un concours de circonstances inattendues, non seulement le capitaine Pamphile emportait, mais encore rapportait. Il s'agissait donc de trouver le moyen de loger, en plus, dans un navire déjà passablement chargé, 230 nègres. Heureusement que c'était des hommes. Si c'eût été aussi bien des marchandises, la chose était physiquement impossible. Mais c'est une si admirable machine que la machine humaine. Elle est douée d'articulations si flexibles. Elle se tient si facilement sur les pieds ou sur la tête, sur le côté droit ou le côté gauche, sur le ventre ou sur le dos, qu'il faudrait être bien maladroit pour n'en pas tirer parti. Aussi, le capitaine Pamphile eut bientôt trouvé moyen de tout concilier. Il fit transporter ses 11 pipes d'eau-de-vie dans la fosse aux lions et dans la soute aux voiles, car il tenait à ne pas mêler ses marchandises, prétendant avec raison ou que les nègres feraient tort à l'eau-de-vie, ou que l'eau-de-vie ferait tort aux nègres. Puis il mesura la longueur de la cale. Elle avait 80 pieds. C'était plus qu'il n'en fallait. Tout homme doit se trouver satisfait lorsqu'il occupe un pied de surface sur le globe, et au compte du capitaine Pamphile, chacun aurait encore une ligne et demie de jeu. Comme on le voit, c'était du luxe, et le capitaine aurait pu embarquer 10 hommes de plus. Or, le maître charpentier, d'après les ordres du capitaine, procéda de la manière suivante. Il établit à tribord et à bâbord une planche de 10 pouces de hauteur, qui formait un angle avec la carène du bâtiment et qui devait servir à appuyer les pieds. De cette manière, et grâce à ce soutien, 77 nègres pouvaient fort bien tenir adossés de chaque côté du navire, d'autant plus que, pour les empêcher de rouler les uns sur les autres, en cas de gros temps, ce qui n'aurait pas manqué d'arriver, on plaça entre chacun un anneau de fer, qui devait servir à les amarrer. Il est vrai que l'anneau prenait un peu de la place sur laquelle avait compté le capitaine Pamphile, et qu'au lieu d'avoir une ligne et demie de trop, chaque homme se trouvait avoir 3 lignes de moins. Mais qu'est-ce que 3 lignes pour un homme? 3 lignes. Il faudrait avoir l'esprit bien mal fait pour chicaner sur 3 lignes, surtout lorsqu'il vous en reste 142. Même opération avait été établie pour le fond. Les nègres, aussi disposés sur 2 rangs, laissait vide un espace de 12 pieds. Le capitaine Pamphile fit au milieu de cet espace pratiquer une espèce de lit de camp de la même largeur que les adossoirs. Mais comme il ne devait y avoir que 67 nègres pour le remplir, chaque homme gagnait une demi-ligne 3/12. Aussi le maître charpentier appela-t-il très judicieusement le banc du milieu le banc des pachas. Comme ce banc avait 6 pieds de longueur, il laissait de chaque côté un intervalle de 3 pieds pour le service et la promenade. C'était comme on le voit plus qu'il n'en fallait. D'ailleurs, le capitaine ne dissimulait pas qu'en passant 2 fois sous le tropique, le bois d'ébène ne pouvait pas manquer de jouer un peu, ce qui, malheureusement, ferait de la place pour les plus difficiles. Mais toute spéculation a ses chances. Et un négociant qui est doué de quelque prévoyance doit toujours compter sur le déchet. Ces mesures, une fois prises, leur exécution regardait le maître charpentier. Aussi le capitaine Pamphile, ayant accompli son devoir en philanthrope, remonta-t-il sur le pont pour voir comment on y faisait les honneurs à ses hôtes. Il trouva Outavari, sa famille et les grands de son royaume, à même d'un magnifique festin présidé par le docteur. Le capitaine prit sa place au bout de la table. Certain qu'il était de pouvoir entièrement se reposer sur l'adresse de son fondé de pouvoir. En effet, à peine le repas était-il fini, et avait-on reporté dans leur pirogue le chef des petits Namaquois, son auguste famille et les grands de son royaume, que le maître charpentier vint dire au capitaine Pamphile que tout était fini à fond de cale, et qu'il pouvait y descendre pour y visiter l'arrimage. Ce que fit aussitôt le digne capitaine. On ne l'avait pas trompé. Tout était merveilleusement en ordre. Et chaque nègre, fixé à la membrure de manière à croire qu'il faisait partie du bâtiment, semblait une momie qui n'attendait plus que l'heure d'être mise dans son coffre. On avait même sur ceux du fond gagné quelques pouces, de manière qu'on pouvait circuler autour de l'espèce de grille gigantesque sur lequel ils étaient étendus, si bien que le capitaine Pamphile eut un instant l'idée d'ajouter à sa collection le chef des petits Namaquois, son auguste famille et les grands de son royaume. Heureusement pour Otavari, qu'à peine avait-il été reporté dans la pirogue royale, que ses sujets, qui n'avaient pas dans le lion blanc la même confiance que leur roi, avaient profité de la liberté qui leur était laissée pour ramer de toute leur force, de sorte que, lorsque le capitaine Pamphile remonta sur le pont avec la mauvaise pensée qui lui était venue dans la cale, la pirogue disparaissait à un angle de la rivière d'Orange. À cette vue, le capitaine Pamphile poussa un soupir. C'était 15 à 20 000 francs qu'il perdait là, par sa faute. Mi sarà giunto, chi dirà, chi dirà, chiamerà.